L'arôme du café se glisse sous la porte, l'air emporte léger cette vapeur échappée. Une sensation en sorte. Descends les escaliers, l'odeur envahit mes narines. Elle m'avoisine, elle me fait craquer. Emportée dans les abysses, d'origine impénétrable, giflée par le sable, vers le silence je glisse. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées. Marilyn, elle m'a souri. Marilyn, elle est pleine de vie. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées. Marilyn, elle m'a souri. Marilyn, elle est pleine de vie. Tes sourires suffisent. Ai-je rêvé où tu me regardes? Où est-ce que tu prends garde? Faudrait que tu me dises ce que je suis pour toi. Un illustre inconnu qui ne détourne sa vue seulement quelquefois. J'aimerais t'emmener dans des pays sans frontières. Oh étrange chimère, mais tu ne me connais pas. Et je ne te connais pas, mais tu ne me connais pas, et je ne te connais pas, je ne te connais pas. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées. Marilyn, elle m'a souri. Marilyn, elle est pleine de vie. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées. Marilyn, elle m'a souri. Marilyn, elle est pleine de vie. Et je ne te connais pas. Pourtant l'amour se confirme. Ce n'est plus un signe, mais qui fera le premier pas? Et ce silence de mort qui plane entre nous. Et maintenant je suis sous, plus capable de faire l'effort. Et ce triste carnaval tourne dans la rue. Et là tu es nu, que commence le bal. Que commence le bal. Je lui ai avoué le fond de mes pensées. Nos corps se sont unis et mon cœur elle a pris. Je lui ai avoué le fond de mes pensées. Nos corps se sont unis et mon cœur elle a pris.